vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, en ce vendredi 14 décembre, bienvenue à l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan. On est ensemble au cours de courant de la prochaine heure pour une heure de rock indépendant. Et habituellement, je ne suis pas un amateur des chiffres ronds, mais bon, ce soir, je peux quand même souligner que c'est la 50e émission pour l'émission Le Terminus, 50e émission depuis la toute première qui était au printemps 2011. Et après ça, il y a eu une petite pause pendant deux saisons. Et l'émission est depuis le printemps 2012 de retour en ondes, donc pour une troisième saison. Et elle devrait être de retour également à la saison d'hiver prochain, donc pour une quatrième saison sur les ondes de CISM. Donc très content de vous annoncer ça ce soir également. Et au courant, peut-être faire un petit bilan depuis la première émission. Eh bien, le concept de l'émission a un petit peu changé. Au début, je m'étais donné comme mission de faire tourner des chansons indie rock, mais dans plusieurs langues, donc autrement que dans le français ou l'anglais. Mais là, je me suis rendu compte au fil du temps que c'était pas évident de trouver de la musique de qualité, surtout entre autres par Internet, dans différentes langues. Donc maintenant, on se concentre davantage sur des chansons en français, en anglais également, mais ça ne veut pas dire qu'à l'occasion, je n'en ai pas fait passer. Notamment, je crois, dans les dernières semaines, c'était le cas en espagnol, entre autres. Alors donc, ce soir, émission, comme d'habitude, avec beaucoup de nouveautés. On va commencer avec un band de Sheffield qui vient du nord de l'Angleterre. Ils font une espèce de pop garage assez intéressante. Voici Best Friends avec Wasting Time sur les ondes de CISM. To the South des Russes de Motorama. Ils viennent tout juste de sortir sur l'étiquette français Calendar, qui est leur deuxième album, que je vous recommande. Très, très bon. Et Motorama seront d'ailleurs en tournée en France au début de l'année prochaine, mais il n'y a rien d'annoncé pour l'instant pour ce côté-ci de l'Atlantique. Juste avant Motorama, c'était de Pailas, un groupe d'Osaka au Japon. Et tiré du Following EP, vous avez entendu la chanson Following. Et l'ensemble de leur catalogue de ce groupe-là, de Pailas, un gros 5 titres, est disponible gratuitement sur leur page Bandcamp. Voilà. On va poursuivre avec Novella, la chanson Look It in the Eye sur les ondes de CISM. Bye. Une nouvelle entrée sur le palmarès de la station, c'est Scott Dracula avec la chanson Burner qui est tirée de l'album du même nom sorti il y a à peu près 2 semaines. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau actuellement en Australie, mais on a vraiment une quantité assez incroyable de bons groupes qui nous viennent de ce coin-là ces temps-ci. C'est assez fou. Et donc, Scott Dracula en fait partie. Et c'est vraiment un nom à retenir que ce groupe-là. On va écouter maintenant Maison Neuve, qui, avec leur chanson « Au large de la ville », vont nous rocker ça en français dans les prochaines minutes. Et il s'agit d'une chanson, en fait, je crois, il y a environ 2 chansons en français sur l'album qui viennent de faire paraître, album homonyme Maison Neuve. Le reste, c'est en anglais. Je conseille d'aller voir ça et sur Internet. Et ça sera suivi de Renmas avec Cadavre Mécanique. Bonne écoute. Écrire comme tout le monde le fait, et je devrais t'écrire pour te conjurer. Oh mon homme, tu es parti dans ce pays étranger où les femmes sont très jolies et moi je suis en danger. Les petits sont magnifiques, gentils et attentionnés. Oui, nos fils sont magnifiques et moi, je vais les noyer. Parti sans réellement te soucier de ce que l'on pouvait dire d'une femme abandonnée. Nos fils sont magnifiques, je vais les noyer pour briser le maléfice qui gouverne mon foyer. C'est un cadavre mécanique. jusqu'à 22h, vous écoutez l'émission Le Terminus. Jean-François Lusignan avec vous au micro. Vous venez d'entendre Sightline d'une formation de Vancouver avec la chanson Billy Gird. Voilà. Et c'est tiré du Summer EP qui est disponible en téléchargement gratuit sur le Bandcamp du groupe Sightlines. Ça, j'arrive à le prononcer, pas de problème. On va poursuivre avec Prey TV, qui est un groupe australien qui a été actif de 1987 à 1996. Et ils ont sorti dans leurs propres moyens une compilation qui s'appelle Lost Transmissions, qui est une espèce de best-of, là, donc, qui fait le tour de leur carrière. On va entendre tout de suite la chanson Sorry Somehow du groupe Prey TV sur les ondes de CISM. Le combo que vous venez d'entendre avait débuté avec, pour commencer, Pray TV et la chanson Sorry Somehow. Et ça s'était poursuivi avec encore des thématiques pas très, très joyeuses. C'était d'entendre Woolworm et Someone Has Left You. Ça complétait bien la première chanson. Et je voyais que sur la page Facebook du groupe Woolworm, que le groupe de Vancouver a monté récemment sur scène en première partie de Qu'est-ce qu'il y a que je vous avais joué, que je vous faisais jouer à l'émission il y a environ deux semaines. Et Woolworm également viennent aussi de lancer leur premier album qui s'appelle Believe in Ourselves. Et c'est à surveiller encore une fois ce groupe Woolworm, un groupe de Vancouver, groupe canadien. On poursuit maintenant avec un vétéran, Michel Clou, anciennement entre autres de Diabologum. Voici un film américain sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. Par la plus belle journée de ce mois de juillet, une longue, longue voiture blanche apparaît. Tu descends, magnifique plan arrêté, avec ta longue, longue robe blanche qui traîne un peu sur tes pieds. Le véhicule redémarre, tu avances. Synchronisé. Une longue, longue rangée de peupliers de chaque côté. À mi-chemin, au-dessus de ta tête, vient d'apparaître un arc-en-ciel supplémentaire. Quatre coups de tonnerre. À l'opposé, une longue, longue table, nappe décorée. Couvert en argent, costume et robe de soirée. Et toi qui marches au ralenti, ton sourire et le mien, avec tous ces dessins d'enfants dans tes mains. Je pars, tu reviens, j'ai disparu. Tu m'as cherché, j'ai attendu, tu m'as retrouvé. La différence fondamentale entre la fin d'un film européen et celle d'un film américain. Je pars, tu reviens, j'ai disparu. Tu m'as cherché, j'ai attendu, tu m'as retrouvé. La différence fondamentale entre la fin d'un film européen et celle d'un film américain. Dernière séquence, petite musique, applaudissements, générique. Je t'embrasse tendrement, fondu au noir. La différence fondamentale entre la fin d'un film européen et celle d'un film américain. de leur album Only Good Bands Have Animal Names. C'était Tiger Waves avec In, Out and Around, un album qui est sorti l'année dernière en 2011. Et dans quelques instants, c'est La Main Faire, l'émission de Zika Mendes. Va-t-il nous servir un top 2012, ses coups de cœur de l'année? C'est à suivre. Soyez-y dans quelques minutes pour le savoir. En tout cas, ici à l'émission Le Terminus, ce sera la semaine prochaine que je vous présenterai mes coups de cœur de l'année. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur avant de passer à une nouvelle année. Et si vous voulez réécouter l'émission de ce soir, retrouvez également la liste des chansons qui ont joué. C'est le CISM893.ca. Il y a toujours aussi le Terminus.ca pour les archives de l'émission. On va se quitter avec une espèce de rock progressif instrumental du groupe Jupiter Lion, qui est en fait un duo de Denver au Colorado. Et ils n'ont pas beaucoup d'amis hein, sur Facebook, alors vous pouvez aller les encourager sur leur page. Je crois qu'ils en ont seulement une cinquantaine, donc ce n'est pas super encourageant pour le groupe, mais allez faire un tour du côté donc, de leur page Facebook Jupiter Lion. Ce sera la chanson Crocodile avec des K à la place des C. Et c'est tiré d'un album du même nom qui est sorti cette année. Alors, je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, très bonne semaine également. On se retrouve vendredi prochain, 21h, pour une autre édition de l'émission Le Terminus. Ciao!